Le petit déjeuner à l'hôtel. Bonjour, monsieur. Le buffet est par ici. Je peux prendre cette table ici? Comme vous voulez. Où est le café, s'il vous plaît? Café. Le café est sur la table, dans la carafe noire. Et où est le lait, madame? Le lait est à côté. Et le sucre? Le sucre est sur la table. Merci. Vous avez aussi le pain, la confiture et le fromage sur la table, si vous voulez. Merci. Et il y a le jus d'orange? Je suis désolée, monsieur. Mais il n'y a pas le jus d'orange. Mais il y a le chocolat chaud. Merci. J'ai faim. Vous avez terminé, monsieur? Oui, merci. Et l'addition? Il n'y a pas d'addition pour les clients de l'hôtel. Je comprends. Merci. De rien.